L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. La galaxie la plus lumineuse que nous connaissons, un quasar nommé W2246-0526, a été observé en train d'éjecter la quasi-totalité de son gaz nécessaire à la fabrication de nouvelles étoiles. Le processus montre l'existence de turbulences hors normes. Tanio Diaz-Santos décrit ce que son équipe a observé comme une marmite d'eau bouillante chauffée par un réacteur nucléaire. L'image est évidemment un peu trompeuse. Le quasar W2246-0526 est énergétisé par encore mieux qu'un réacteur nucléaire, un trou noir supermassif. Et l'eau, dans la métaphore de l'astronome chilien, doit être remplacée par du gaz interstellaire. W2246-0526 est une découverte récente, car c'est en 2015 que ce quasar a été identifié, situé à la belle distance de 12,4 milliards d'années-lumière. Sa luminosité est exceptionnelle, 10 000 fois plus élevée que celle de la Voie lactée, avec pourtant une taille plus petite. Il a été découvert grâce au télescope infrarouge WISE, Whitefield Infrared Survey Explorer. Ce quasar, ou cette galaxie active, fait partie d'une classe de galaxies qui sont appelées des hot dogs, défense de rire, qui signifie Hot Dust Obscured Galaxies. Ça signifie galaxie chaude obscurcie de poussière. Ces galaxies ont le point commun d'être essentiellement visibles en infrarouge et de posséder un bon gros trou noir supermassif très actif. W2246-0526 peut également être classifié dans la famille des galaxies dites ELIRG, Extra Luminous Infrared Galaxies. Tanio Diaz et ses collaborateurs ont observé W2246-0526 dans les longueurs d'onde submillimétriques, à la frontière des infrarouges et des ondes radio, grâce au réseau de radiotélescopes ALMA, situé dans le désert de l'Atacama, au Chili. Ils ont réussi à déterminer la dynamique du gaz expulsé par la galaxie. De grandes quantités de gaz semblent se trouver ainsi dans un état fortement turbulent et avec des vitesses très élevées pouvant atteindre plus de 500 km par seconde. La turbulence du milieu interstellaire est déduite par les chercheurs grâce à l'observation de la dispersion de la raie d'émission du carbone centrée à 157,7 micromètres, mais qui se trouve très élargie, signant une forte dispersion de vitesse de la source d'émission, visible de manière homogène sur plus de 8000 années-lumière à travers la galaxie. Diaz-Santos et ses co-auteurs estiment que le comportement très turbulent observé peut être lié à l'extrême luminosité de W2246-0526, qui est produite par un disque de gaz surchauffé spiralant vers le trou noir. La lumière intense et énergétique produite par ce disque d'accrétion est ensuite absorbé par de vastes nuages de gaz entourant le disque et le trou, qui réémettent ensuite l'énergie emmagasinée sous la forme de rayonnement infrarouge. C'est visiblement cette intense émission infrarouge qui provoque les turbulences observées dans toute la galaxie. Les astronomes estiment qu'à ce rythme, W2246-0526 aura rapidement expulsé la totalité de son gaz, celui-là même qui lui sert à former de nouvelles étoiles. Mais il se peut également que l'activité du quasar se calme rapidement par manque de matière à accréter, et avec elle l'éjection rapide de gaz, permettant à la galaxie de connaître enfin une phase plus normale. L'article de Tanio Diaz-Santos et ses collaborateurs est paru dans The Astrophysical Journal Letters, volume 816. Il a pour titre « The strikingly uniform, highly turbulent interstellar medium of the most luminous galaxy in the universe. Restez bien à l'écoute sur le www.ça-se-passe-là-haut.fr, le blog où l'univers se contemple indéfiniment. Vous retrouvez ce podcast sur les plateformes podcloud.fr ainsi que iTunes. N'hésitez pas à vous y abonner, c'est le meilleur moyen pour rester up to date, comme on dit. Oui, pour rester informé en temps réel. D'ici la prochaine, je vous souhaite un très bon ciel. Restez bien les yeux là-haut, justement. Et par contre, les pieds sur terre. Hein ? Allez, salut !